tu déclares avec foi s'accomplit. Oh, la parole est une puissance qui libère. Elle est une arme redoutable. Elle déplace des montagnes. Elle renverse des lois établies. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tout ce que tu confesses de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis amen. Dis amen, je le crois. Dis amen, je le crois. Dieu dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis amen. Le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Je dis amen. L'Éternel est l'ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Je dis amen. Et ni la lune pendant la nuit. Oh. Je dis amen. L'Éternel me gardera de tout mal. Je dis amen. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Je dis amen. Oh, dès maintenant et à jamais. Oh. Je dis amen. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds. Je dis amen. Aïe aïe aïe, il me le donne en héritage. Pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Je dis amen, je le crois. Ah, tu sais, je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions du genre: est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose? Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit: ah, 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête: ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton obéissance. Fais 3 pas en avant, 1/4 tour à gauche, puis tape 3 fois dans les mains. Allez, on y va.